la date décisive, c'est 1983. En 1983, François Mitterrand décide de rester à part entière dans l'Europe, dans le système monétaire européen, et il choisit la politique du francfort. Il est évident que, à terme, cette politique du francfort posait le problème de la parité du franc CFA. Très brièvement, l'Afrique zone franc importe essentiellement d'Europe, donc des produits qui sont libellés dans des monnaies fortes, et l'Afrique subsaharienne exporte des produits qui sont libellés en dollars, un dollar qui ne cessera de dégringoler à partir de 1985. L'Afrique subsaharienne, et plus précisément la zone franc, est donc prise dans une espèce d'effet de ciseau. Ses importations lui coûtent de plus en plus cher et ses exportations sont libellées dans une monnaie qui ne cesse de se déprécier. Il est clair, dès le milieu des années 1980, que cette politique est vouée à l'échec et que la France doit reconsidérer la question de la zone franc. D'autant plus que ses partenaires au sein du G7, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international demandent avec une insistance croissante la dévaluation du franc CFA. François Mitterrand fait mine de ne rien entendre et encore en 1992, pendant l'été 1992, croit possible de sursoir à une dévaluation qui finalement se fera dans les pires conditions en janvier 1994 et qui s'apparentera, parce qu'elle est beaucoup trop tardive, à une défaite de la France sous la pression des institutions de Bretton Woods. Du point de vue africain, l'arrimage du franc CFA au franc français, monnaie forte, a commencé à être perçu de plus en plus, en effet, comme un obstacle au développement. Un pays comme la Côte d'Ivoire, pays exportateur de café et de cacao, importateur de produits manufacturés, avait besoin d'un franc CFA faible qui lui permette d'exporter à des coûts moins élevés et plus compétitifs. Mais pour tous les pays africains, le franc CFA restait un symbole de stabilité et peut-être même un symbole de prestige dans un continent africain où toutes les monnaies ne cessaient de s'effondrer. Il a fallu en réalité la mort du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny en décembre 1993 pour supprimer les résistances à la dévaluation. Dans les mêmes années 90, de nombreuses voix s'élèvent, et pas seulement en Afrique, pour réclamer l'allègement, voire l'annulation de la dette contractée par les pays les plus déshérités. Au milieu des années 90, en effet, la dette des pays africains s'élève à un peu plus de 300 milliards de dollars. Ce qui n'a rien d'exceptionnel si l'on veut bien considérer qu'à la même période, la dette publique des États-Unis flirte avec les 5 000 milliards de dollars, 17 fois supérieure à celle des pays africains. Alors où est le problème? Dans cette donnée toute simple, que fait apparaître la lecture d'un rapport des Nations Unies. En pourcentage de son produit national brut, la dette africaine approcherait, selon cette étude, les 110%. Un véritable fardeau pour le continent, entend-on dire de plus en plus. En décembre 1997, Lionel Jospin, Premier ministre français, est en visite au Mali.